La couleur de tes pensées multicolores fait s'élever en moi des envies indolores. Toutes tes fantaisies, poésie et bonheur, réglises délicieuses, c'est pour moi un honneur. De tes pensées multicolores, multicolores, fais s'élever en moi des envies indolores, indolores. Toutes tes fantaisies, poésie et bonheur, l'église délicieuse, c'est pour moi un honneur. Là avec moi, d'accueillir tous mes émois. Merci d'être là, mon amour, de voguer près de moi et de cueillir le jour. De guirlandes de Noël, je veux tout partager, courir dans toutes ces plaines, ces plaines, main dans la main, et cette paix qui nous enivre la nuit comme un livre délié. Près de moi et de cueillir le jour. Le jour.